Donc maintenant, Mathilde va nous lire un texte donc, d'un réfugié du Tchad. Et ensuite, ce sera Ali qui va témoigner, qui est un réfugié afghan, qui va témoigner et Mathilde traduira. Merci. Alors, en fait, je vais vous lire l'extrait d'un livre qui s'appelle « La parole est aux migrants » qui a été écrit par Olivier G. Donc l'auteur Olivier G, c'est quelqu'un que j'ai rencontré l'année dernière sur le campement de La Chapelle. Donc dans le 18e arrondissement de Paris, il y avait un campement de migrants qui a été démantelé avec beaucoup de violence par la police. Il s'avère qu'Olivier et moi, on était des habitants des 18e et qu'on s'est retrouvés un peu malgré nous confrontés aux violences policières et confrontés à la situation catastrophique de la politique d'accueil de ces réfugiés à Paris. Donc je vais vous lire le texte d'un ami, quelqu'un qui est devenu mon ami, donc que j'ai rencontré l'année dernière, qui s'appelle Adrien du Tchad et qui a 20 ans. Voilà, donc avec son autorisation, je vais vous lire son histoire. Je m'appelle Hassan et je suis né en 1994 à N'Djamena, capitale du Tchad. J'ai vécu tranquillement dans ma famille, accompagné de mes deux frères et mes deux sœurs. J'étais le plus âgé des cinq. Mon père travaillait comme commerçant dans l'agriculture, alors que ma mère s'occupait de la maison et veillait à ce que l'on ne manque de rien. Je ne peux nier avoir eu une enfance heureuse. Je m'entendais bien avec tout le monde et j'aimais beaucoup rire. L'école se déroulait bien et tout au long de ma scolarité, j'ai aimé apprendre, mais aussi j'ai passé beaucoup de temps à plaisanter avec mes amis. C'était simple en ces temps-là. Vers l'âge de 15 ans, je suis tombée amoureuse pour la première fois. Le problème pour moi est que cette personne était un homme. Et cela, au Tchad, c'est totalement interdit. Cependant, nous avons décidé de vivre notre histoire d'amour discrètement pour que personne ne puisse se douter de notre homosexualité. Nous sommes restés ensemble 2 ans, à vivre ce bonheur caché, à braver le danger pour nous aimer. Lors de ma 19e année, j'ai malheureusement été trahie par un ami qui a tout avoué à mon père. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que ma vie a pris un virage pour continuer sur une route où dorénavant s'y trouvait un paquet d'obstacles. Papa m'a alors appelé pour vérifier l'information, en espérant que tout cela était faux. Je n'ai pas pu lui mentir. Après tout, c'était mon père et je voulais juste assumer ce que j'étais. Je lui ai dit toute la vérité, en essayant de choisir mes mots pour ne pas trop l'énerver. Ce jour a malheureusement changé ma vie définitivement. Du jour au lendemain, j'ai dû quitter le lycée alors que j'étais élève en première L. Mon père ne voulait plus financer mes études. J'avais le sentiment d'être devenu un criminel que l'on venait d'attraper. On ne me considérait plus comme un homme, c'en était fini de ma liberté. L'amour qu'il avait pour moi avait totalement disparu. À ses yeux, je n'étais plus qu'un traître qui lui avait planté un couteau dans le dos. Comme les premières sanctions ne suffisaient pas, mon père m'a alors battue, maltraitée, humiliée. J'en ai encore les stigmates sur mon corps. Il m'a même une fois enchaînée, comme un animal. Plus personne dans la famille ne m'adressait la parole. Ma mère ne disait rien, et mon père continuait de me faire disparaître aux yeux de tous. Je n'existais tellement plus à ses yeux qu'il ne me comptait plus pour les repas, et je ne pouvais plus mettre les pieds dehors. Alors, parfois, je tentais, mais à mon retour, je trouvais systématiquement la porte fermée. Je restais des jours et des nuits à vivre dehors, livrée à moi-même, attendant patiemment de pouvoir me faufiler à l'intérieur de ma maison. Je marchais alors dans la rue sans que personne ne daigne m'apporter son aide. Après 1 mois à vivre ainsi, ma famille, mon père en tête, m'a demandé de quitter le foyer en me précisant que je ne faisais plus partie de cette famille. J'étais abandonnée et toute négociation s'avéra impossible. Pendant 7 longs mois, j'ai alors vécu dehors, dans la rue. Pour survivre, je travaillais au marché pendant la journée pour gagner quelques sous. Le salaire versé était ridicule, mais au moins, je pouvais m'acheter de quoi me nourrir. Bien évidemment, pour éviter tout problème, je n'ai parlé à personne de mon homosexualité. Quand je croisais quelqu'un de ma famille ou l'un de mes amis, il m'insultait à chaque fois. Au Tchad, il n'y a aucune aide pour une personne homosexuelle. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Il est interdit d'aimer librement, c'est encore plus mal vu qu'être criminel, c'est dire. J'ai beaucoup souffert de la solitude liée à ma sexualité. Le 31 mai 2014 sonna comme le déclic. J'avais décidé de quitter ce pays qui ne m'acceptait pas et qui ne m'accepterait jamais tel que j'étais. Je désirais plus que tout rejoindre la France, le pays des droits de l'homme, afin d'y vivre en homme libre. Avant cela, le voyage devait me conduire dans d'autres contrées, indissociables à la réussite de mon projet. Ce jour-là, je suis donc partie du Tchad en camion vers la Libye. Ce voyage marquait la première étape vers ma reconstruction, une étape vers la France où j'espérais trouver enfin la liberté d'exister et d'être qui je suis. Rester au Tchad aurait rimé avec désespoir et humiliation. Le voyage dura une 15aine de jours. La traversée du désert fut rude. Nous ne mangions qu'une fois par jour et surtout, nous n'avions qu'un verre d'eau le matin au réveil. Un soir, nous sommes enfin arrivés avec les 24 autres clandestins à la frontière libyenne. La suite ne fut pas un triomphe, comme dans mes espoirs les plus optimistes. Nous fûmes arrêtés et emprisonnés dans la prison d'Adjabiya. Il s'en est alors suivi 8 longues journées où je fus torturée tous les jours par les gardiens de cette prison. Je n'étais pas le seul à subir les affres de la douleur infligée par ces barbares. J'entendais souvent les cris de souffrance des autres prisonniers et prisonnières. Au 7e jour, ils m'ont demandé de l'argent pour que je puisse payer ma libération. Je n'avais pas le moindre sou sur moi, alors j'ai eu la permission d'appeler mon père pour essayer de trouver une solution. À ce moment précis, mon père était alors mon seul espoir. Le temps me parut extrêmement long entre la compo et le moment où mon père décrocha. Il fut surpris et mécontent de m'avoir au téléphone. J'eus à peine le temps de lui expliquer ma situation, qu'il m'ordonna de ne plus jamais l'appeler. C'est au 8e jour que je fus finalement relâchée de cet enfer. Je me retrouvai à nouveau seule dans la rue. J'ai dormi 4 jours dans la rue avant de faire connaissance avec d'autres migrants. Ils étaient soudanais et ils m'ont accueilli comme des frères. Nous avons commencé à faire connaissance, mais intérieurement, j'ai pris la décision de ne pas révéler mon homosexualité, car je savais que dans leur culture, eux aussi, c'était mal perçu et contraire à leurs principes. Je ne voulais plus prendre le risque d'être seule ou rejetée. Je ressentais ce besoin viscéral d'être entourée, d'être soutenue. Alors cela passait par mon mutisme quant au pourquoi de mon départ. Cette bienveillance à mon égard me faisait vraiment du bien. Ils m'ont ensuite aidé à trouver un travail dans un restaurant soudanais. J'étais serveur et j'ai pu gagner ma vie pendant une année en Libye. Mais dans ce pays, l'insécurité règne en maître depuis quelques années. À plusieurs reprises, je me suis fait agresser et voler dans la rue. Parfois, cela se déroulait même à l'intérieur du restaurant. Il est arrivé que des civils entrent avec des kalachnikovs et nous menacent avant de tout piquer. Dans ces moments-là, rester en vie était ma seule préoccupation. Après cette première année dans ce pays, nous avons décidé de quitter le territoire. Nous étions 9, 8 Soudanais et moi. Nous donnâmes de l'argent à un passeur pour traverser la Méditerranée et rejoindre la Sicile en Italie. La traversée dura 2 jours. J'ai eu le temps de compter à de nombreuses reprises le nombre de personnes. Nous étions 114. Le souci est que le bateau n'était censé qu'en supporter 80. Au moment où nous arrivâmes dans les eaux italiennes, le bateau cala et nous abandonna, là, au beau milieu de la mer. Nous pensions mourir. La majorité d'entre nous ne savait pas nager. Moi non plus, je ne savais pas nager. Heureusement pour nous, les gardes-côtes avaient entendu nos appels de détresse. Ils nous aidèrent à rejoindre le sol italien. Nous étions sauvés. Les premières démarches furent de révéler nos identités et de laisser nos empreintes digitales. Nous avons ensuite passé quelques heures en détention. Une fois sortie, je suis allée me laver, manger et me reposer dans un centre d'accueil afin de reprendre quelques forces. Cette sieste réparatrice me redonna le courage de continuer ma route et de me rendre à Milan. Une fois là-bas, je suis montée simplement dans un train en direction de Paris. Je suis arrivée en terre parisienne le 6 juin 2015 au soir, accompagnée de 3 de mes amis soudanais. Nous étions épuisés mais heureux de nous savoir enfin sur le sol français, le sol de ma nouvelle vie, le sol de la liberté. Je croyais me retrouver au paradis. Enfin, j'allais pouvoir assumer mon homosexualité sans risquer ma vie. En tant que demandeurs d'asile, nous savions que nous pouvions bénéficier d'un logement en France. Cela tombait bien, nous n'avions plus un sou. Sans la moindre inquiétude, nous nous sommes donc rendus dans un commissariat parisien en leur expliquant notre situation. Nous voulions juste qu'ils nous guident vers une association qui pourrait nous apporter l'aide nécessaire pour dormir dans un lit cette nuit. À notre grande déception, il n'y a eu aucune réciprocité à notre joie. Et ils nous rétorquèrent que tout était fermé avec une fermeté sans nom. Ils nous invitèrent à revenir le lendemain à 9h. Ma dernière question, juste pour savoir où nous pouvions dormir cette nuit, n'eut comme réponse qu'un simple regard vers le ciel, en guise de « bah, je sais pas ». Nous nous sommes alors rendus à la gare du Nord. On a donc dormi sur un trottoir. Le lendemain, en retournant au commissariat vers 9h, je me suis rendu compte combien Paris était une ville magnifique, avec des immeubles splendides et une architecture vraiment superbe. Les rues étaient larges et les passants bien habillés. J'aimais vraiment l'idée de ce que cette nouvelle vie allait m'offrir. La capitale de la France était simplement majestueuse. Les policiers nous indiquèrent l'adresse de France Terre d'Asile. Nous sommes allés directement. Ils nous donnèrent là-bas un rendez-vous pour le 9 juillet, un mois plus tard donc. J'ai à nouveau demandé où nous pouvions dormir jusqu'à ce rendez-vous. Leur réponse fut très claire. Ce n'étaient pas les migrants, nous devions nous adresser à la préfecture pour obtenir une réponse. En bref, les prochaines semaines ne s'annonçaient pas sous les meilleurs auspices. Le 8 juin, ne trouvant aucune solution à notre problème, nous nous sommes rendus à la Halle Pajol. En arrivant là-bas, j'ai appris que le camp de migrants de la Chapelle avait été violemment démantelé et évacué 6 jours auparavant. La Halle Pajol était donc le nouvel endroit pour se poser, une sorte de refuge pour les personnes comme moi. Le jour même, la police est intervenue pour procéder à une nouvelle évacuation. Ce camp devint alors le lieu d'une brutalité sans nom. Nous étions entraînés vers les camions. Et les forces de l'ordre n'hésitaient pas à nous frapper, à nous brutaliser. Ils faisaient même la même chose avec les habitants qui résistaient tant bien que mal pour nous protéger. J'ai alors découvert le visage de la France des droits de l'homme, où même les innocents que nous étions étaient violentés. J'ai réussi à m'enfuir et à me cacher à quelques dizaines de mètres de là, dans un garage. J'observais au loin la fin de l'intervention et les derniers cris s'en échappaient. Quelques heures plus tard, une association du quartier, le Bois d'Ormois, qui était un jardin participatif, nous ouvrit ses portes pour que les quelques 200 migrants qui avaient dribblé entre les policiers puissent s'y reposer. Nous nous y sommes tous retrouvés et à partir de ce moment-là, tout s'est vite enchaîné pour moi. J'ai prétendu être mineure et une riveraine m'a proposé de m'accompagner chez une amie, le temps de trouver une solution. J'ai vécu un mois là-bas. Je lui ai raconté la vérité sur mon âge, sur mon histoire. C'est devenu mon amie. Aujourd'hui, je vis dans un centre d'hébergement. Finalement, quand je vois les autres migrants qui sont encore à la rue, il m'est facile de conclure que je suis privilégiée. Peu à peu, je commence à m'assumer. Je parle encore rarement de mon orientation sexuelle, mais je sais au fond de moi que je suis en train de panser mes plaies. Mon seul désir est d'obtenir l'asile en France. Je rêve aussi de pouvoir enfin assumer mon homosexualité. Je veux reprendre ma scolarité et étudier l'art, car je suis là pour progresser, me construire et vivre. Malgré toutes les difficultés que je rencontre ici au quotidien, je me sens serein. Toutes les façons, avec ce que j'ai vécu au Tchad, en prison en Libye, ou alors pendant la traversée de la mer Méditerranée, je ne crains plus rien. Je rêve de pouvoir un jour revoir ma famille et de discuter avec eux de tout ce qui nous sépare. Ce jour-là, je serai sans aucun doute possible le plus heureux des hommes. En attendant, je dois me construire en tant qu'homme et cesser d'avoir peur. Je veux juste être libre d'aimer et de sourire. Je m'appelle Hassan, ne m'oubliez pas. Simplement, moi, j'ai choisi de vous lire ce texte-là qui parle d'un ami proche parce qu'en fait, depuis, Hassan donc, a déposé sa demande d'asile qui lui a été refusée. Donc, la France lui a refusé l'asile sous prétexte que son discours, donc ce discours-là, celui qu'il envoyait à l'OFPRA pour faire sa demande d'asile, n'était pas assez cohérent. Donc, il vient de déposer un recours. Il a très peu de chances de l'avoir. Il y a très peu de recours qui sont pris en compte par l'OFPRA. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire et c'est comme ça que je voulais témoigner. Maintenant, je vais passer la parole à Ali. Ali qui va témoigner. Ali est un réfugié. Lui, il a eu la chance d'obtenir la protection subsidiaire, donc qu'il protège, qui lui donne des papiers officiels pendant un an. Il vient d'Afghanistan et il habite à Paris. Voilà, il va parler anglais et moi je vais traduire et il va vous témoigner, lui, de son parcours. Bonjour à tous. Je m'appelle Ali, je viens d'Afghanistan. Because I would like to talk about a little bit about refugees. Because we had the problem in our countries, especially Afghanistan, Palestine, Syria and Sudan, because all of them, when they cross the border and they come to France, because when they bring the shelter to France, it means they have the problem. Je m'appelle Ali, je viens d'Afghanistan, et l'Afghanistan, comme la Palestine, comme la Syrie, on fuit des pays parce qu'on y vit des problèmes qui nous empêchent de vivre à l'abri, qui nous empêchent de vivre tranquillement, et c'est pour ça qu'on franchit les frontières pour venir se réfugier ici. Yeah, because from long time now, the refugees in La Chapelle and Jaurès and next to the canal, they are the refugees that live. They are now, they have from 3 months, 2 months, 1 month, they have very bad conditions now. Les réfugiés à Paris donc dorment encore dans la rue, ils dorment à La Chapelle, ils dorment à Jaurès, ils dorment à Stalingrad et ils vivent toujours à l'heure actuelle dans des conditions vraiment... Yeah, because we have the problem, because in especially on talked about Afghanistan, the Russia came in Afghanistan, they did the presidency on us by force, they kill us, and so they destroy our house for 10 years, 12 years, after that the Russia went and the Americans came, they destroy again us. Donc tous les pays que j'ai cités connaissent des problèmes. Moi, je vais parler plus précisément de l'Afghanistan. L'histoire de l'Afghanistan, c'est que le pays a été envahi par les Russes. Donc les Russes sont arrivés en Afghanistan et ils ont tout détruit. Puis quand les Russes sont partis, ce sont les Américains qui sont arrivés et qui, à leur tour, ont tout détruit. Yeah, because we are terrified from our life in our country because nobody wants to leave their country by easily. Everybody like their family, their father, their mother, their sister, their brother. Nobody wants to go and to have no permission, no passport, nothing to cross the border. It's too hard. If somebody thinks, nobody can. Je veux juste préciser que personne ne quitte son pays, personne ne quitte sa famille, personne ne quitte son père, sa mère avec facilité et de manière détachée. C'est très difficile et nous, ça nous fait pas plaisir de ne pas avoir les papiers pour pouvoir traverser les frontières comme on le souhaite et d'être obligé de le faire de manière illégale. Yeah, because now we arrived to France for a long time. We have no rights. We have nothing. We have no support. Before 3 months, there were some people that divided two groups. So some people said, make demonstration. Some people said, don't make demonstration. We were confused what to do. Nous, quand on arrive en France, on arrive, on n'a rien. On est livré à la rue. On est livré à nous-mêmes. On a très peu de soutien, on a quelques soutiens. On a quelques soutiens politiques qui nous disent il faut organiser des manifestations, d'autres soutiens politiques qui nous disent, notre soutien, pardon, pas politique, qui viennent, qui nous donnent à manger et qui nous disent de ne pas organiser les manifestations parce que c'est dangereux. Donc on est livré à nous-mêmes et en plus on est confus. Now we are without rights and we will fight for our rights and we will never give up from our rights. Moi j'ai choisi de me battre pour mes droits. Nous n'avons aucun droit en France, et bien moi je me battrai pour les obtenir et je me battrai pour que tous ensemble nous obtenons nos droits. And everybody have authority to fight up to the end to give their rights. Thank you. Et tout le monde a l'autorité et la légitimité de se battre pour ses droits. Merci. Du coup, maintenant, ça va être un temps pour poser des questions ou faire des remarques ou voilà discuter un petit peu autour de ce dont Mathilde et Ali viennent de témoigner. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, faire une remarque ou quelque chose. Oui, c'est une question pour Ali. Quelle forme de lutte finalement sont possibles là actuellement pour enfin quelle forme de lutte ont été mises en place par les réfugiés actuellement et de quelle façon est-ce que justement vous pouvez obtenir des droits? Comment ça se fait actuellement? Yeah. We just our fight is and our struggle is that because we come together, all refugee, Sudan, Syrian, all of them. Because the first we here, like you support us to be together ensemble. So we come to the Republic and we go La Chapelle and we go Stalingrad. We occupy one place. It means like we fight with the government and we fight with the French people to give our. No, we just occupy the place to the force that the police come, the states. They come and they see us and today to give the information and to they know there are the refugees in the streets and the parks. La première forme d'organisation qu'on a, c'est qu'on se rassemble. On se s'éparpille pas dans les rues de Paris. On a fait le choix de se rassembler pour, on est à la rue, on a fait le choix de se rassembler pour être visible. Nous, on veut pas se battre avec le gouvernement, on se bat pas contre le gouvernement, on se bat pour nos droits. C'est pas la même chose. Donc, la première chose qu'on fait, déjà, c'est qu'on vit ensemble. Donc, sur des campements. À Paris, il y a des campements. Il y a eu des campements à La Chapelle, il y a eu des campements à Stalingrad, il y a eu des campements à Jaurès. Et c'est, une forme de visibilité. On lutte pour se rendre visible. Et donc, pardon, il a ajouté, ils occupent les places, en fait, ils occupent l'espace public sous forme de campement pour se rendre visible. Alors moi, je voudrais demander, qu'est-ce que vous auriez à dire à tous ces gens qui ne se sentent pas concernés par votre situation ? Moi, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous auriez à dire à tous ces gens qui ne se sentent pas concernés par votre situation ? Yeah, just my message is for this. If they don't support, because I saw a lot of people, because from the end, from the first I am stand up to now, I see a lot of people, different people. Like you come, you support, you tell to them, separate, you make two group by refugees. You know, I think you work from somebody. They give you money. You know, she works, she helps from her, and so you destroy the refugee. If you don't help, never help. Don't come. And don't come to visit me. This is my message. First come, my message for those people to come to visit and to visit us, to help us, to support the refugee, to go to pick up them, to take to the house, not to destroy them. Yes, I see a lot of people and I said in front of, don't destroy the refugee. So my message is that if they help, we say welcome. If they don't help, we say again welcome. It's okay. If they help, we are happy. If they don't help, we are happy. Okay. En gros, Ali, il a dit, ils ont pas de temps à perdre à sensibiliser en quelque sorte les gens à leur cause. Les réfugiés sont là, ils dorment dans la rue, ils sont visibles, il y a des campements. Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas, allez-y, ils vous accueilleront. Il y a 10 000 choses à faire sur un campement de réfugiés. Donc Ali, ce qu'il a précisé en fait, c'est qu'il, effectivement, ils n'ont pas le temps de sensibiliser, de faire un travail de sensibilisation. Mais par contre, si vous venez, vous serez les bienvenus sur les campements. Il n'y a pas de questions, de réactions ? Monsieur, qu'est-ce qu'il a dit en fait ? J'ai pas très bien compris. Il a demandé quel était son message pour les gens qui ne se sentaient pas concernés par la cause des réfugiés. Bonjour, du coup, moi c'est Mathis. Avec Mathilde, en fait, on habitait. Je vais vous raconter un petit peu comment nous on est arrivé, en tout cas, à venir soutenir les réfugiés, les migrants et les exilés. On habitait à la Goutte d'Or, et en bas de chez nous, il y avait juste en face de chez nous, il y avait l'Alpajol. Et en fait, on a vu l'évacuation extrêmement violente de l'Alpajol et qui a en fait dégoûté énormément de monde. Il y avait des associations qui étaient présentes. Qui faisait de l'humanitaire, il y avait des associations qui faisaient du soutien juridique, il y avait beaucoup de monde, il y avait des partis politiques, ils étaient assez soutenus. Et en fait, avec la violence d'État, tout le monde a été de plus en plus dégoûté. Et le soir même, en fait, de cette expulsion, nous, on a recueilli 31 mineurs chez nous. Et il n'y avait plus personne, parce que tout le monde était vraiment dégoûté de cette violence. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a une association qui venait pour distribuer à manger. Et elle a perdu, en fait, en un mois, avec toutes les expulsions, elle a perdu plus de 15 000 euros. Donc c'était juste une petite association qui tournait avec une vingtaine de personnes. Et malgré tout leur engagement, leur bonne volonté, au bout d'un moment, ça ne suffit pas, en fait. Et donc, du coup, on a été un espèce de relais en créant une page Facebook. C'est tout bête, c'est tout con. Franchement, on espérait pas grand-chose. Mais maintenant, il y a 15 000 personnes qui suivent cette page. Et elle est ouverte à énormément de gens qui veulent soutenir, qui se sont créés soit en association, en collectif, ou voire pas du tout dans une structure légale, mais du coup qui commençaient en fait à porter certaines initiatives. Et ça part toujours de l'intention de quelques-uns qui viennent du cœur, en fait. Et il y en a qui ont, par exemple, fait un journal qui s'appelle Merhaba, qui veut dire bienvenue, Merhaba. Et du coup qui est écrit en fait par les réfugiés. Et qui permet en fait quand il est traduit en plusieurs langues et qui permet du coup de distribuer une certaine parole. Et du coup c'est juste des exemples comme là que je peux donner. Ça fait maintenant depuis juin dernier, ça fait beaucoup de mois. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont passées. On a eu des gens qu'on a extrêmement sensibilisés, qui venaient d'arriver en France, qui étaient assez terrifiés en fait, parce que pour certains c'était la première fois qu'ils avaient une telle violence d'État face à eux. Avant par exemple en Libye. Il peut y avoir plein de choses horribles, mais parfois, enfin surtout en Libye, en fait, c'est des pratiques mafieuses. C'est pas une pratique institutionnalisée qui est légitimée par un pouvoir officiel et reconnue par tous, en fait. Et du coup, ça les traumatise, en fait, vraiment. Et donc, ça une grande détresse. Et les gens ont pu être parfois relogés, pas forcément justement à Paris, et partout en France. Donc parfois ça crée des gros problèmes entre leur demande de rendez-vous avec l'OFPRA, etc., qui doivent se faire à Paris, ou mais parfois aussi en fait ça les a vraiment aidés, en fait, de pas se retrouver que coincés à Paris, où ils se retrouvent obligés soit être à la rue ou tellement il y a eu en fait de logements qui ont été réquisitionnés, enfin qui ont été mis à leur disposition, qui sont tombés dans des structures qui étaient insalubres. Mais on a un exemple d'une personne qui était avec ses enfants, qui s'est retrouvée à Brest pour un hébergement. Et en fait, elle était dans un superbe hôtel. C'était un 2 étoiles, si je me souviens bien. Enfin, en vrai, elle était très très bien logée, mais elle voulait revenir à Paris parce que tout le monde lui disait, mais ça sera plus simple pour les papiers, etc. Puis on lui a montré les photos. On lui a montré, puisqu'on les lâche pas une fois que la police vient avec les cars pour les amener dans les centres d'hébergement. On reste pas sur le trottoir. On fait en sorte de monter avec eux. On les suit en voiture. On va dans leur centre voir comment ça se passe. Et du coup, on a pu témoigner de comment ils étaient réceptionnés, et pas forcément dans de bonnes conditions. Donc en fait, il y a toute une logique d'État qui est pas du tout préparée, en fait, qui est pas du tout vraiment organisée à l'accueil des réfugiés, contrairement à ce qui peut par exemple être le cas en Allemagne. On a aidé des gens à passer, et arrivés en Allemagne, eux, ils n'ont pas dormi une seule nuit dehors. Ils sont arrivés, il y avait une structure d'accueil. Savoir si tu avais tes papiers ou pas, t'es à la rue, on va t'héberger, on va t'aider. Donc c'est des structures qui ont été mises en place, qui révèlent une intention d'État, et d'une certaine façon aussi, l'État, on est censé être tous membres de l'État. Mais on voit bien la différence qu'il peut y avoir entre ce que nous tous, citoyens, citoyennes, militants, militantes, ou juste personnes de bonne volonté, en fait, qui se retrouvent à faire plus que ce que l'État fait. Parce qu'une des premières choses qu'on peut donner aux exilés, aux migrants, et c'est juste de l'humanité, c'est juste du respect, de les considérer en tant qu'humains, passer du temps avec eux, de discuter avec eux. Et c'est pas faire de l'humanitaire, de trouver à manger, trouver un logement et tout. Parfois, c'est juste de les considérer en tant qu'humains, quoi. Parce qu'ils se retrouvent extrêmement isolés. Donc c'est une première étape de faire corps tous ensemble, de les reconnaître en tant qu'être humain. Voilà. C'est ça que je voulais partager avec vous. Je sais pas si vous avez une remarque. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour ce que vous faites, c'est super. J'avais une question, est-ce qu'il y a des signes qui montrent, des signes positifs de la part de l'État, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, qui montreraient que ça pourrait peut-être dans un avenir plus ou moins lointain prendre enfin la forme que ça peut avoir en Allemagne, par exemple, de quelque chose qui ressemble moins à de l'improvisation, et donc on a des gens dans la rue, ça, et après on les vire au bout d'un mois et ça recommence tout de suite après. Est-ce qu'il y a dans les discussions qu'il y a entre justement des associations comme la vôtre et les pouvoirs publics, est-ce qu'il y a, parce que ils savent très bien la situation et tout ça est délibérément laissé comme ça à pourrir. Donc est-ce qu'il y a une prise de conscience que cette stratégie est vraiment pas productive, même en termes d'image de l'État français, et du coup quelle solution ils envisagent pour la suite? Ta question est très pertinente. Juste par rapport à ça, moi je suis arrivée sur cette lutte un peu de manière naïve, en me disant faut faire confiance aux institutions, forcément à un moment donné. Moi j'avais une posture un peu naïve, hein, moi vraiment. C'est forcé qu'à un moment donné il y aura un déclic de créer et tout. Et en fait, ma réponse à ta question, la mienne, elle est claire, c'est non, absolument pas. Il y en a aucun. Il y a même des choses illégales qui se font. C'est-à-dire que les rendez-vous, par exemple, à la préfecture pour les femmes et les mineurs, ils doivent se faire dans un délai de 3 semaines. Ce délai n'est pas respecté. On leur donne des rendez-vous dans 6 mois, dans 7 mois, et 6 mois à 7 mois, dans lesquels ils doivent se débrouiller et entamer eux-mêmes le processus pour trouver un logement, etc. Donc moi, mon expérience, surtout par rapport aux femmes et aux enfants desquels je suis plutôt proche, est non. Ma réponse à cette question est non, clairement pas. Pour ajouter ce que vient de dire Mathilde, nous on est juste une page Facebook, on n'est pas une association. On refuse de se déclarer légalement, de rentrer dans un rapport avec les institutions, parce que ça nous permet d'avoir une plus grande liberté. Moi je critique pas ceux qui le font, ils décident de le faire et c'est très important qu'il y en ait qui le fassent. Ça nous permet d'avoir certains relais et des appuis qui sont inestimables, parce que aussi bien que l'État sait qu'est-ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est sur écoute, on nous surveille, hein, je veux dire, tout cet été il y avait les RG qui étaient là, face au campement, avec la planque, quoi, vraiment, l'immeuble en face, etc. Mais enfin, pas des choses forcément méchantes, bon, à part la brutalité policière, mais on va pas être dans une logique forcément d'amélioration des choses, parce que tout ça c'est politique, et en fait c'est utilisé de façon politicienne. C'est-à-dire que l'intérêt de l'État à accueillir les migrants, politiquement, aujourd'hui, n'est pas acquis, en fait. C'est-à-dire que le gouvernement actuel et les partis politiques en général sont xénophobes. Aujourd'hui, les racismes d'État, ils s'expriment clairement. Voilà, on a un Premier ministre qui dit que les Roms n'ont pas été en France, alors que ce sont des citoyens européens, qu'ils ont les papiers légaux pour rester là. Mais voilà, donc clairement, non, il n'y a pas de... Voilà. La seule chose qui ferait bouger les lignes, en fait, c'est la mobilisation, c'est le rapport de force. Je ne vais pas rentrer dans un discours marxiste, etc., mais... Vraiment, cet été, on a vraiment foutu le bordel. On les a tellement emmerdés à faire des manifs, faire des rassemblements, à faire beaucoup le buzz aussi, hein, pour qu'on parle de nous, pour qu'on soit visible. Et ben en fait, on a eu Bruno Julliard en septembre. Bruno Julliard, qui est quand même quelqu'un qui est revenu plusieurs fois sur ses positions au cours de sa carrière politique. Et donc c'est cool, cette personne-là, elle était là en train de, à la radio sur France Inter, disait mais il faut des réquisitions de logements. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de place. Et ça, c'est vrai. Quand on se mobilise, quand on fait bouger les choses, on montre en fait que, déjà, d'une part, la loi, elle n'est pas respectée. Et d'autre part, qu'il y a apps nécessaires. Les dispositifs d'accueil ne permettent pas de répondre à l'afflux et à la demande. Donc, en fait, tant qu'il y a de la mobilisation, ça peut marcher. Là, on a des choses qui se bougent. Parce qu'on est en France et qu'il y a des moyens, quoi qu'on en dise. On a de l'espace, on a des villages qui sont en train de se dépeupler. Donc il y a des possibilités qui peuvent être reprises par rapport, par exemple en Italie, on fait ça, où ils invitaient certains migrants ou des familles le plus possible à venir s'installer dans les villages qui se dépeuplaient, où il n'y avait plus que des personnes âgées, etc. Donc non, aujourd'hui en France on n'est pas dans une logique vraiment d'amélioration, et ça ne peut le faire que si on se mobilise. C'est possible et c'est possible rapidement. Mais simplement, voilà. Voilà, ça... Bah ouais, ça part toujours forcément en fait par le bas et pour arriver vers quelque chose de... Bah oui, mais en... Bah je dirais pas que, mais en même temps en Allemagne, y a des groupes de soutien qui sont beaucoup plus organisés et actifs qu'ici. Voilà. Il y a beaucoup moins de... Enfin après, de moi ce que j'en connais, des gens que je connais de là-bas, ils sont pas dans la même logique. Le rapport à l'État, il est pas le même. Parce que déjà, ils ont une démocratie qui n'est pas la même que la nôtre, où ils ont des institutions qui sont beaucoup plus proches. C'est moins centraliste. Hein. Quand tu peux décider vis-à-vis de ton lander par rapport à l'État fédéral, et quand c'est l'État fédéral qui décide. Voilà. Nous, on n'a pas ces questions-là, on n'a pas ces rapports de force-là en tête. Donc, ce n'est pas les mêmes outils, en fait. Donc, je pense qu'il y a aussi, comme il y a une telle base... Après, il y a un rapport via le capitalisme qui est flagrant aussi en Allemagne, c'est qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. C'est une population qui est vieillissante, qui font moins d'enfants, donc qui repose principalement sur l'immigration. Nous, on a la chance, on a une immigration en France qui a permis de faire rebondir les naissances en France. Donc on n'est pas dans ces mêmes logiques-là. Donc, bon. Demba, est-ce que tu... Ouais. Bon, comme je viens au début, c'est pas... Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et je me présente, je m'appelle Dem Doukara. Je suis... délégué dans un collectif des sans-papiers, CSP 75. Ça a été créé après l'occupation de l'église Saint-Bernard en 1996. Moi, personnellement, je suis arrivé ici en 2001, mais j'ai participé dans cette lutte à l'occupation Bourse de Travail en 2007 à Saint-Denis. Je suis rentré dans la lutte. Et 2012, après Mars européenne, et j'ai été la délégué dans cette collectif. Et aussi, j'ai participé avec les réfugiés depuis le mois de juillet 2015 à la SAPEL, Et jusqu'à maintenant, je suis quasiment avec eux. Et nous, les sans-papiers et les réfugiés, nous, c'est qu'on réclame tout le temps, en face de l'État, libre circulation, installation pour tous, régularisation, tous à toutes, sans un statut. C'est ça notre revendication depuis. Et jusqu'à maintenant, nous, on a continué à réclamer ça. Et en face, dans le gouvernement, pour mettre la pression sur le gouvernement, nous, dans notre pays, tout le temps, ce qu'on réclame, on est occupé dans l'espace public, comme ici à République, sorti dans la rue, faites les manifestations, faites les rencontres avec la préfecture de Paris, ministre de l'Intérieur, mairie de Paris, surtout, parce qu'avant régularisation, il faut trouver l'endroit d'aller. Au pire, ce qu'on réclame actuellement, un centre d'accueil avant un centre d'hébergement, parce que si tu viens dans un pays, on n'est pas venu en France pour aller dormir en dessous de la peau ou dormir dans la rue. Ce qu'on réclame en France aujourd'hui, un centre d'accueil d'ailleurs, comme Espagne, comme Allemagne, comme Italie, comme Belgique, parce que j'ai été tout ce pays. Tous les réfugiés qui arrivent actuellement, ils sont à l'endroit direct à Vis là-bas. Il faut l'accueillir là-bas d'ailleurs avant que centre de versement. Mais ici en France, tous les réfugiés qui viennent, ils vont aller directement au 18e. Arrivant au 18e, tu trouves quoi? Dormir en dessous de la peau ou dormir dans la rue, comme ça. Moi, je passe le soutien qui est derrière nous. Le rapport de force que nous, on demande, sans vous, on ne peut pas le trouver. Et aussi, tout le temps, je signale tous les soutiens, disent qu'il faut que vous restez ensemble. Tant que vous n'êtes pas ensemble, nous, on ne peut pas être ensemble, jamais. Puisque nous, on n'est pas même pays, on n'est pas même couleur, on n'est pas même langue. Donc, pour nous pouvoir être ensemble, il faut qu'on voit les soutiens, ils sont ensemble. Donc, tant que vous n'êtes pas ensemble, nous aussi, on ne peut pas être ensemble, jamais. Donc, moi, je m'arrête là pour l'instant, comme je viens d'arriver. Toujours continuer les débats, on verra les restes, quoi. Toujours lutte continue, quoi. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous disiez que pour améliorer, en fait, la situation, enfin, fallait passer par un rapport de force. Quel est pour vous, en fait, le meilleur rapport de force qu'on puisse avoir, si c'est passer par des occupations, passer par des manifestations, venir nous-mêmes en soutien solidaire sur les campements, enfin, qu'est-ce qui met le plus la pression, justement, au gouvernement pour qu'il change et qu'il fasse des choses? Alors, le gouvernement, ce qui dérange le gouvernement, comme je viens de dire tout à l'heure, occupé dans l'espace public. Et surtout les manifestations, ça dérange. Parce que moi, je suis à la préfecture chaque jour et j'ai reconnu à plusieurs personnes, des flics, surtout chef de la 9e bureau. Tout le temps, on parle, même le téléphone. Tout le temps, c'est qu'elle me dit, nous, ce que nous dérange, votre manifestation qui veut faire dans la rue, à bloquer dans la voiture, dans la rue, même une minute, ça dérange parce qu'ils vont nous contacter à la préfecture tout de suite. Donc nous, on a obligé, vous dites, allez vite fait, il faut que vous passez vite fait. Donc, c'est ça qui veut comprendre le gouvernement. Et aussi, moi, tout le temps, ce que je réclame à toutes les personnes, que ce soit les sans-papiers, les soutiens, soit les occupations, soit dans la rue, il faut faire le contact avec le gouvernement. Si on n'a pas de contact, on n'arrive pas jamais. Dès qu'on arrive, il faut qu'on essaie de faire le contact et qu'on essaie de rencontrer avec eux à mettre notre problème sur la table. Pourquoi on est là? On est là à cause de ça. C'est ça qu'on a besoin. Et voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Vraiment, moi, je pense pour construire un rapport de force, c'est pas, voilà, c'est pas de la de la violence ou voilà d'être c'est d'abord de réunir beaucoup de personnes, c'est comme il a dit, il faut construire une unité. Après, une fois qu'on a réussi à obtenir quelque chose d'homogène entre nous, on arrive à se discuter entre nous, on arrive à se respecter selon les positions qui peuvent être divergentes. Et voilà, en fait, il y a une pluralité d'actions qui est possible. Il n'y a pas une manière d'obtenir un bon rapport de force. Il va y avoir plein d'occasions. Je veux dire, c'est mobiliser les gens sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans la télévision. C'est mobiliser les gens autour de vous, dans le quartier. Parce que si on fait un truc dans le 16e arrondissement, on n'obtiendra jamais de soutien de la part des riverains. Quand on est dans le 19e, 18e, là, c'est tout autre, vraiment tout autre. Et donc, du coup, c'est vraiment en fonction de là où ça va se passer et en fonction de l'actualité aussi. Donc, on peut voir l'actualité avec soi, parce que malheureusement, c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est d'abord qu'on est visible. Donc, ça passe par, comme il l'a dit, les occupations de places publiques, aussi en déposant légalement. C'est pour ça qu'il y a besoin de soutien, qui ont des papiers français pour pouvoir déposer les demandes en préfecture. Et puis après, surtout, c'est que dès qu'il y a quelque chose d'illégal qui se passe, nous, en tant que Français, on a des papiers qui nous protègent. C'est-à-dire qu'on risque une garde à vue, on risque quelques amendes. Pour les réfugiés, c'est tout autre. C'est vraiment tout autre. Eux, ils risquent quasiment la mort, puisque pour certains, c'est le retour au pays qui saute par une balle dans la tête. Donc, il n'y a pas une bonne action, il y en a plein, en fait. Et ce qu'il faut, c'est toujours essayer de faire large, de rassembler largement, dans l'unité. L'idée des villages qui sont un peu dépeuplés et des endroits où on pourrait donner justement des logements, je trouve que c'est une très bonne idée, mais je vois qu'il y a un gros problème, c'est au niveau du travail. Après, comment est-ce que... Enfin, j'ai l'impression que c'est un problème supplémentaire et qu'on peut pas. Enfin, je vois pas comment on peut passer outre ça, justement, vis-à-vis de si on amène une population dans un village où qui est dépeuplé, c'est parce qu'il y a pas ou peu de travail. Et je vois pas comment on peut justement changer ça. Et sur le même point, des villages dépeuplés. Je discutais justement avec des réfugiés, et alors c'était pas ils avaient été dans un centre d'hébergement qui était dans pas vraiment en pleine campagne, mais en limite de Val d'Oise et d'Île-de-France, et ils se trouvaient complètement paumés là-bas sans aucun repère. En plus, eux, ils venaient d'une grande ville d'Afghanistan, je crois. Enfin bref, ils étaient plutôt des urbains que des ruraux, mais bon. Et donc ça pose aussi toutes sortes de problèmes d'adaptation. Alors, je dis pas que c'est plus facile dans les grandes villes. On voit bien ce que ça donne à Stalingrad, hein. Mais je pense qu'il y a tout un travail d'adaptation et qui a à faire aussi pour les accompagner là-dedans, dans cette installation, dans un environnement très très différent. Et qui peut être encore plus différent que d'être à Paris ou à Nice ou à Bordeaux ou à... J'allais dire, ok. Comme notre ami. Bonjour à toutes et à tous. Je suis afghan. Et pour vous dire, je suis interprète. Du coup, j'entends tout. Et je vois tout. Ça ne correspond pas du tout. Mais il faut voir aussi. Tout d'abord, en France, les vrais Français, on va dire, ceux qui sont trop riches. Ou les classes moyennes, ils n'ont pas les mêmes droits. En tout cas, pour les réfugiés, c'est encore pire. Comme notre ami a dit, on les envoie dans un bled tout perdu. Et la personne, il se perd carrément du monde entier, en fait. Et s'il quitte l'hébergement, il n'a pas droit de rien du tout, en gros. Pas de logement, aucune ressource. Et il se trouve vraiment dans une situation difficile. C'est vrai que c'est pas facile de pas avoir rien de tout, mais pour une personne qui a quitté un pays de très très très loin et qu'il arrive ici sans rien se trouver, ça veut dire pas une personne qui se trouve ici au chômage ou sans rien, Ça veut dire c'est beaucoup trop difficile en fait. Et c'est compliqué. Certains de mes amis sont devenus fous. La France, il est concerné en fait. Je dirais pas qu'il n'est pas concerné. Pourquoi? Parce que la France, il décide d'aller sur place en Afghanistan pour les aider les Afghans. Franchement, je n'irai pas d'ici aussi loin les aider. Ceux qui sont présents sur la place. En France même. On va les aider d'abord. Si on peut. Si on peut pas, ça sert à rien de foutage la gueule des gens. Et c'est ça. Les Russes, ils nous ont tués combien de personnes, en gros 2 millions d'Afghans. Ils ont dit que c'était une erreur. Franchement, c'est pas une erreur. Ne venez pas avec les grosses armes chez les gens, les eux tuer. J'espère un jour, d'ici aujourd'hui, je me sens pas, comment dire, je me sens pas politicien, mais peut-être plus tard, d'ici dans 30 ans, 40 ans, je serai le politicien fou, presque un fou. Je trouverai une arme française, la France elle est concernée. Je trouverai une arme russe, la Russie va être concernée. C'est ce qui est possible dans l'avenir. L'Afghanistan, c'est un pays qui a été détruit à cause des voisins, à cause des gens qui habitent très très loin, qui ne peuvent pas utiliser les armes qu'ils ont construites chez eux. Du coup, c'est un terrain de sache, comment dire, de guerre. Et la réalité, ça fait mal. Et c'est vrai que ça va me faire de mal aussi à moi. C'est pour ça que j'arrête tout de suite ici. Et je vous dis, de toute façon, personne n'a les mêmes droits que tout le monde. Ça n'existe pas. Déjà, il faut regarder entre les Français eux-mêmes. Il faut... Il y a du travail à faire, en fait. Et ceux qui veulent, ils veulent aider les étrangers, sans toit, sans rien. Franchement, les manifestations, ça, ça fait quelque chose. Mais aujourd'hui, si je vais en France, les gens utilisent pas mal des manifestations pour faire d'autres choses. Je pense que le mieux, c'est de les aider, de cotiser un peu et de leur donner quelque chose. C'est le mieux. Eh ben, merci à tout le monde de m'écouter. En fait, juste pour reprendre les deux questions que vous m'avez posées par rapport à l'accueil dans des villages qui seraient désertés et la question du travail, ça peut, c'est sur certains profils, comme il vient de le faire remarquer, ça ne peut marcher que sur certains profils en fait. Donc il y a des villages en France où il y a une politique qui est menée, c'est-à-dire que tout le village s'associe en fait à l'accueil des réfugiés et du coup en fait ça crée du travail. Parce que quand il y a des hommes, il y a du travail. C'est pas le capital qui va créer la richesse, mais c'est l'humain qui crée sa richesse. Et il le crée en fait comme il le peut. Alors c'est vrai que ça va être plus ou moins dur, ça va pas suffire forcément à nourrir son homme, mais voilà. Par exemple, ce qui se passe en Italie, c'est qu'ils vont priver les familles qui sont avec des enfants, qui sont avec les deux parents autant que possible, pour les en fait quand ils vont les loger dans ces villages qui sont désertés. Et en fait, le fait qu'il y ait de plus en plus de population, ça fait que les services publics vont pas être abandonnés en fait. Il y a des villages où il n'y avait plus de poste, par exemple, où les bistrots fermaient ou des choses. On prend l'exemple de la poste, parce qu'en Italie, ça peut être un lieu de rencontre. C'est peut-être pas forcément le cas partout en France, mais en Italie, ça peut être le cas. Et du coup, il y avait cet exemple-là de la poste qui avait rouverte, et du coup, ça faisait vivre en fait le village. Voilà. Donc, quand en fait, on recommence une activité sociale, l'activité économique, elle n'est pas loin. Donc c'est sûr qu'on va pas on n'a pas des emplois clés à donner aux gens comme ça directement. Sinon pourquoi on le ferait pas déjà parmi nous en France? Et d'autre part sur la question de savoir de la suite construire, c'est d'abord comment on se considère les uns les autres. Parce que si on envoie de façon un peu arbitraire, et c'est ce qui s'est passé malheureusement trop nombreuses fois, où en fait on a envoyé des gens dans des centres qui dépendaient pas forcément de la mairie, etc. Et en fait, les mairies n'ont pas vraiment été au courant. même voir le centre même, n'étaient pas forcément au courant. C'est pour ça que je disais, nous on essaye de les suivre l'écart, voir jusqu'où ils vont. Parce que ça arrive que, ah mais non, on nous avait dit qu'ils étaient 60. Ah bah non, ils sont 380. Donc pas les lits, pas la nourriture, et aucun programme socio-éducatif à côté pour commencer à faire la belle alphabétisation, pour apprendre à se déplacer dans le métro, tu vois. Enfin, en vrai, t'as le pour et le contre à chaque fois. Pour une personne qui vient de la campagne, redevenir à la campagne et devenir, enfin, tu vois, être berger par exemple, on rigolait de ça avec des copains érythréens, mais voilà, eux, c'était berger. Et là, que apprendre un métier à plus de 30 ans, et quand tu connais pas la langue, c'est vraiment c'est difficile. Donc eux, ils se disaient, mais ouais, en vrai, si je travaillais sur la terre, bah, je sais y faire. Voilà. Donc, c'est sûr, en fait, c'est pas une formule magique et ça peut marcher qu'avec certaines personnes, mais du coup, le fait de bien prévoir l'accueil, de bien comprendre qui sont ces personnes-là, quels sont leurs atouts, quelles sont leurs faiblesses, bah, ça permettrait en fait de mieux, comme nous on adore le dire, l'insertion, etc. C'est vrai en fait. Ça permettrait de mieux les accueillir, tout simplement. Quelqu'un veut ajouter quelque chose d'autre ou une autre question ou... Ouais. Bah, c'était juste pour vous demander peut-être de nous donner maintenant la page Facebook ou les endroits où on peut s'informer sur les choses qu'on peut faire. Enfin, je me dis, comme là, il y a du monde qui écoute, et moi, par exemple, je sais pas où trouver les informations sur les choses à faire. Du coup, je veux bien que vous nous disiez, quoi. Ok, du coup, Mathilde et moi, on est un groupe d'amis, on a fondé un site internet qui s'appelle le Comité de soutien aux migrants de la Chapelle, qui est un groupe, en fait, qui permet de... Enfin, qui a une page Facebook avec d'autres administrateurs qui sont eux-mêmes dans d'autres groupes Facebook, qui sont... Voilà. Donc, une fois à partir du Comité de soutien... aux migrants de la Chapelle, vous allez trouver plein de d'autres groupes, parfois plus proches de chez vous, plus proches de l'action que vous voulez mener. Il y a par exemple le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, le BAM. Il y a l'association Cali aussi, qui est une association féministe, qui propose un soutien extrêmement divers et varié auprès des femmes et de leurs enfants, avec des réunions non mixtes, etc., avec un travail même d'autodéfense, voilà, de façon de projets assez larges. Par exemple, Débat, comme il l'a dit tout à l'heure, fait partie de la CSP 75, collectif des sans-papiers de Paris, qui du coup est une orga qui commence à être historique et qui porte un certain nombre de choses. Donc vous pouvez trouver sur le site internet de nombreuses choses, ou notamment après, voire même au niveau européen. Parce que en fait, la question des migrants, elle peut pas se régler à Paris, elle peut pas se régler à Calais, elle peut pas se régler à Édimbourg. En fait, elle se règle tous ensemble, vraiment. Et du coup, il y a des organisations faites par les migrants qui commencent à se monter au niveau européen aussi, donc vous trouverez ces relais-là. C'est en construction, chacun a peut-être sa petite part à apporter, rien qu'en étant informé, de pouvoir discuter, parce qu'il y a souvent des a priori. Donc, on l'a dit, la CSP 75, le comité de soutien aux migrants, le BAM, bureau d'accueil et d'accompagnement aux migrants, et Cali. Alors après, il en existe encore d'autres, hein, mais il y en a une grande liste. Mais déjà, sur le comité de soutien, je pense que vous allez pouvoir en trouver ça pas mal. On vous les écrira et on vous laissera. Je viens pas envers lui. En fait, en gros, j'allais poser une question. Est-ce que c'est trop tard à l'âge de 16 ans, à votre avis? Bah oui, en France, oui. Pour les étrangers. Et ils disent, certains, on leur pose des questions. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est vrai que certains, ils croient à la France. Ouais, il arrive, il a gagné tout. Il dit, bah non, je vais être un médecin. Et un autre qui dit, je veux être ingénieur. C'est ses rêves dans l'enfance. On a droit. On dit, non, mais c'est passé, en fait. T'as raté pas mal d'années. Et en gros, il faut que tu fasses une formation en cuisine. Ou mécanique, ou je sais pas, quelque chose que veut pas faire le français. C'est la réalité, hein. Franchement, si vous prenez mal, excusez-moi, mais... On leur propose d'être travailler dans les cuisines ou faire le ménage quelque part. Franchement, comment vous dire, j'arrive d'une famille très aisée, mais malgré que dans mon pays il y a la guerre, on me propose de faire la cuisine. Non, merde, je me trouve où? De la place de chef de village ou chef de guerre ou je sais pas. Je me trouve à faire la cuisine. Et même comme quand même c'est le métier que je préfère. En fait, en gros, que j'ai pas le choix. Il n'y a pas de travail. Merci. Et pour reprendre ce qu'il vient de dire, c'est vrai, moi, je suis étudiant et en fait, dans les universités, on a vraiment fait un travail de forçat pour essayer d'accueillir des personnes qui sont déjà diplômées. Parfois, il y a des gens qui veulent apprendre, mais il y a des gens qui ont déjà appris. Et donc, le problème de reconnaissance, par exemple, si vous êtes dans l'enseignement, si vous avez. Vous êtes vous-même étudiant. Vous pouvez déjà à votre niveau en fait commencer à créer tout un déclic auprès des institutions, auprès des personnels d'administration pour leur dire mais en fait ils peuvent s'inscrire à la fac parce que ça existe. Il y a des diplômes pour, même s'ils n'ont pas le bac, ils peuvent faire des diplômes de reconnaissance de leur diplôme. Et tout ça en fait c'est parfois surtout à construire. Parfois ça n'existe pas. Il n'y a pas de reconnaissance de diplôme. Même pour des pays très proches de chez nous, par exemple un médecin algérien, s'il vient en France, il sera infirmier. Même s'il est chirurgien, un médecin chirurgien en France, il sera infirmier. Voilà. Donc on pense qu'une personne qui a fait plus de 12 ans d'études, quel que soit son pays, dans un domaine médical aussi pointu que la chirurgie, voilà, s'il sait se servir ses deux mains, quoi. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut pas perdre espoir parce que les refus, il y en a un paquet. C'est un vrai parcours du combattant. Comme malheureusement, il a qui deviennent fous. Si vous êtes pas soutenu, s'il y a pas des gens qui sont là avec vous, qui eux ont les papiers, qu'on peut pas virer d'un simple revers de main, et vous pouvez pas vous inscrire comme vous pouvez pas suivre la formation que vous voulez ou vous êtes même pas forcément. On ne vous a même pas vous proposer en fait une formation parfois même. C'est juste ça en fait. On va dire bah débrouille-toi, juste débrouille-toi. C'est pour ça que le soutien est aussi important. Vraiment. Oui, comme tout à l'heure, camarade, tu viens de le dire. Quasiment, nous tous les étrangers, quasiment. À plupart, dès que tu es arrivé ici, tu risais de dire, voilà, moi, dans ma tête, je vais être un médecin, ou je vais être un professeur d'école, je vais être... beaucoup de métiers, dans notre tête, on est resté, on n'arrive pas. Et dès que tu es arrivé, tu risais pour continuer à faire ton étude, malgré les as, malgré... On dit que tu es un étranger, ils vont te dire voilà, parce que avec ton âge, tu ne peux pas le faire, on te propose de faire un métier, prendre le métier, que ce soit comme il vient de le dire, en restauration, ou travailler dans un maison, ou à l'électricité, ou. Voilà. Donc, à plupart, je me prends un exemple pour moi-même, parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai réussi d'être. Ingénieur et quand j'étais à la mairie du 17e, on m'a demandé si je suis étudié. J'ai dit écoute, j'ai étudié mais j'ai pas de diplôme, j'ai rien. J'ai juste les premières écoles comme ça, j'ai 30 écoles. Mais malgré ce qui est passé chez nous, il m'a obligé de partir. Donc je suis parti un peu partout avant qu'il s'est arrivé ici en France. Quasiment j'ai fait toutes les Maghreb arabes. Et presque toute l'Afrique centrale aussi, j'ai été quasiment à 7 pays d'Afrique centrale avant que je sois arrivé ici en France. Et en arrivant ici en France en 2001, j'ai été là. J'ai fait tout pour continuer pour faire études, j'y arrive pas. Trouver, tout le temps que je suis parti à la mairie, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes paroles qui reviennent. Après, je suis parti en Espagne. Pareil, au devis, c'était dire pour trouver à l'endroit qui. Je me continue à faire l'étude. Et après, par hasard, j'ai trouvé des vieilles dames en voisine. On parle comme ça. On m'a demandé si je suis étudié. J'ai dit non. Mais j'aime bien être étudié. Donc, c'est eux qui l'ont fait tout pour si je trouvais un peu. J'ai fait 3 ans d'école en Espagne. Franchement, ça m'a avancé un peu. Donc, en retour ici, j'ai réussi encore depuis en 2007, j'ai resté plusieurs fois à la mairie, c'était même chose jusqu'à maintenant. J'arrive pas à aller quoi. Mais moi, je me posais la question, je dis peut-être, les personnes que je tombe tirer, peut-être c'est une étrangère comme moi quoi. Pourtant, je pose cette question. Parce que j'ai dit, non, c'est pas possible, on arrive en France, un pays qu'on attendit chez nous, comment il est. et les solidarités qu'on a vues chez nous, les Français qui quittaient ici, venaient faire les solidarités là-bas. Et arrivé en France même, où tu vas à la mairie pour pouvoir continuer à faire ton étude. Parce que je me rappelle quand j'étais en Mauritanie en 92-91, il y avait des jeunes Français qui venaient faire en vacances chez nous. D'ailleurs, moi, je prends l'alphabet avec E. Pendant un mois, ils sont chez moi même. Un jour, on m'a demandé si je voulais faire l'étude. J'ai dit oui. On m'a écrit un alphabet ABCD. J'ai commencé à apprendre avec E pendant un mois. Et on m'a fait apprendre d'écrire les noms, des prénoms et tout. Et quand c'est arrivé ici, je me suis dit, il faut que j'ai essayé de continuer à faire cette étude, quoi. Finalement, à la mairie du 17e, je me suis inscrit plusieurs fois. Rien à faire, je suis parti à CIMAD, rien à faire. Donc, finalement, j'ai resté rien, quoi. Et quand je suis parti en Espagne en 2005, je me suis étudié de 2005 jusqu'à 2007. Ça m'a avancé un peu. Et en retour en France aussi, j'ai resté encore toujours jusqu'à maintenant et j'y arrive pas. Il n'y a que des amis qui me donnent de temps en temps les alphabétiques et les cours un peu courts. Quand on est ensemble, ils me donnent les cours. Mais les mairies, jusqu'à maintenant, rien à... Tout le temps, ils me réclamaient à ton âge, tu ne peux pas arriver. Ce qu'on vous conseille, si vraiment tu voulais, tu peux continuer de faire les restaurations ou des électricités ou des... Le bloc, j'aime pas, je vais dire la vérité, parce que j'aime pas. Être en restauration, j'aime pas. Parce qu'il y a des choses, j'ai pas droit à le faire. Donc, si tu as été un chef de cuisine, tu as obligé de trouver tous les alcools, tu as obligé de tousser les cossos, tu as obligé. Donc, moi, je suis un musulman. Je sais que j'ai pas droit à tousser tout ça là. Donc, ça m'a empêché de partir vers cet côté. Finalement, j'ai mis ce parti dans un nettoyage. Et là, je travaille dans une société de nettoyage. Je suis un chef d'équipe. Mais, franchement, mon rêve, c'est que dans mon rêve, je n'arrive pas à trouver jusqu'à maintenant, quoi. Jusqu'à maintenant, ça me manque dans mon cœur, quoi. Je sais que si j'ai trouvé l'étude, ça va m'arriver. Donc, voilà. Mais si on trouvait des soutiens vraiment derrière nous, c'est vrai, c'est trop tard. À mon âge, je sais que c'est trop tard. Même j'ai essayé, je n'arrive pas. Mais les personnes qui venir derrière nous, de 16 ans, 15 ans, si vraiment trouver des soutiens derrière nous, ça peut nous... avancer, ça peut les aider et ils peuvent arriver à continuer à faire leur étude, quoi. Donc voilà. Et aussi, pour répondre à la camarade tout à l'heure, moi je passe, si tu as sans papier, tu es arrivé à l'endroit, pour pouvoir mettre les pressions sur l'État, ceux qui déracent l'État, il faut faire ça. On sait bien la manifestation, à plus part ça donne rien, mais c'est ça qui donne les pressions. Nous, ici, à la place de la République, on est occupé ici en 2010 et jusqu'à maintenant, chaque vendredi, on est là. Quasiment chaque jour. Mais chaque vendredi, on fait notre rassemblement ici. Et chaque vendredi, on bouge devant la ministre de l'Intérieur, devant la mairie de Paris, devant la préfecture de Paris, devant la place de Châtelet, place de Saint-Michel. Donc, chaque rencontre, ça nous donne quelque chose. Donc, avec la manifestation, ça nous donne chaque 2 mois, on peut les rencontrer avec la préfet de Paris, avec la représentante du ministre de l'Intérieur, pour négocier sur le dossier de la camarade. Et chaque rencontre, on sort avec 10 convocations, 20 convocations, des fois 40 convocations pour régularisation de les camarades. Donc, moi je passe, si les refusés qui viennent actuellement, si vraiment nous tous donner même lutte, ça peut donner et des régularisations, ça peut donner et jamais ils dorment dans la rue, ça peut donner eux-mêmes peut-être construire leur lutte. Moi, personnellement, dans mon pays, c'était ça me donner le courage d'ailleurs à continuer avec eux. Tous les refusés que je leur parle, je leur donne que de cette idée. Reste ensemble. Pas qu'ils disent, moi je suis soudanais, je ne veux pas rentrer là, l'idée de l'Afghan, ou je suis soudanais, moi je m'en fous d'Érythréa. Non. Parce que moi, dans ma lutte actuelle, je suis. Dans ma collectif, on est quasiment 17 pays dedans. Avec ces 17 pays, on communique entre nous. On est comme les frères et les sœurs des moments qu'on est dans la manif, des moments qu'on est dans la lutte. Et après la lutte, ça part là où le type peut partir. Mais des moments qu'on est, on est ensemble, il faut qu'on communique entre nous. Il faut comprendre la main, quoi, en disant qu'il n'y a pas de pays à ce moment. Dès qu'on s'est rassemblé, on ne réclame pas le pays, on ne réclame pas le couleur. Ce qu'on réclame, notre droit, le droit que les trans et les droits ici, on réclame ça. Donc, je me rappelle quand on est arrivé à la lycée la dernière fois, c'est ça que cela veut parler. arriva la première réunion, j'ai dit écoute ma vie, là on est décidé d'occuper, on est occupé dans la lycée, il n'y a pas de famille ici. Moi je suis mauritanien, toi tu es algérien, l'autre c'est soudanais, l'autre c'est afghan, il n'y a pas ça ici. Ici, on est là pour notre droit, on est là pour réclamer notre droit. Donc, la droite qu'on doit réclamer, on va mettre sur la table tout de suite. Régularisation avec tout, à tous. Et les centres d'accueil, et centres d'hébergement. Ces trois pays, on a besoin. Pas que la personne qui est à l'international, même celle qui est dehors, ils sont concernés dans ces trois idées. Régularisation, et les centres d'hébergement, et les centres d'accueil. Et libre circulation, installation pour tous, à toutes. Donc c'était ça qu'on a mis sur la traque, c'était ça qu'on a mis sur la communication, c'était ça qu'on a mis dans la porte. Jusqu'à la journée, on est parti à la tribunal, et après le tribunal. Il reste 2 minutes. Bon, donc je m'arrête là, on se verra après quoi. Merci. Merci Nemba, merci à tout le monde. Donc à tous, vous pourrez retrouver cette intervention sur la page Facebook donc Debout Éducation Populaire, où il y aura aussi les liens sur pour toutes les associations dont on a parlé. Et du coup, on se retrouve demain à 14h pour EducPop. Alors à 14h, il y aura Étienne qui viendra nous parler du code de la route et du travail. À 15h, Christelle viendra nous parler de la banalisation du racisme anti-asiatique et des limites de l'humour. À 16h, Geoffroy vient nous parler des mouvements des places et des politiques contemporaines. Quelle critique interne au mouvement Nuit Debout ? À 17h, Nicole du collectif Contre l'Ordre lance un appel pour l'arrêt immédiat du nucléaire. Voilà, merci beaucoup.